Charenton, était un asile psychiatrique parisien. Elle dort. Ses beaux yeux se rouvriront demain. Et mon doigt qu'elle tient dans l'ombre emplit sa main. Moi, je lis, ayant soin que rien ne la réveille, des journaux pieux. Tous m'insultent. L'un conseille de mettre à Charenton quiconque lit mes vers. L'autre voue au bûcher mes ouvrages pervers. L'autre, dont une larme humecte les paupières, invite les passants à me jeter des pierres. Mes écrits sont un tas lugubre et vénéneux, où tout le noir dragon du mal tordent leurs nœuds. L'autre croit à l'enfer et m'en déclare apôtre. L'un m'appelle Antéchrist, l'autre Satan, et l'autre craindrait de me trouver le soir au coin d'un bois. L'un me tend la ciguë, et l'autre me dit « bois ». J'ai démoli le Louvre et tué les otages. Je fais rêver au peuple, on ne sait quel partage. Paris en flammes envoie à mon front sa rougeur. Je suis incendiaire, assassin, égorgeur, avare. Et j'eusse été moins sombre et moins sinistre si l'empereur m'avait voulu faire ministre. Je suis l'empoisonneur public, le meurtrier. Ainsi viennent en foule autour de moi crier toutes ces voix, jetant l'affront, sans fin, sans trêve. Cependant, l'enfant dort, et, comme si son rêve me disait « Sois tranquille, ô père, et sois clément !» Je sens sa main presser la mienne doucement.